بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل كما نسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعد. Donc on va continuer, Inch'Allah, sur l'étude du livre « Les règles exemplaires concernant les attributs d'Allah » ainsi que les règles concernant les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on avait dit dans les assises précédentes, l'œuvre de l'auteur est immensément importante du fait qu'il nous mentionne des règles concernant notre croyance, la croyance du musulman, liée aux noms et aux attributs de notre Créateur, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur ce fasl. Donc on avait commencé l'étude concernant des règles liées au texte d'attributs. Et dans la dernière assise, on avait terminé notre dernière assise avec la mention de certains vers dans le poème nommé Al-Lamiya, dans un poème nommé Al-Lamiya, où l'auteur nous mentionne le dogme et la croyance des musulmans depuis les premiers siècles de l'islam. Et on avait mentionné quelques vers, des passages mentionnant justement où l'auteur fait allusion au texte lié aux attributs. En l'occurrence, il fait allusion de manière explicite aux versets qu'on nomme les versets d'attributs. Et comme dans cette deuxième règle qu'on est en train d'apprendre, on parle des textes liés aux attributs du Créateur, aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque comme on l'a dit dans les assises précédentes, Allah nous informe dans son livre qu'il a des noms, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, qu'il a des noms. Et aussi, de ces noms-là découlent des attributs de perfection. Il y a des attributs de perfection. Donc on a des textes qui sont spécifiques, qui sont liés aux attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et la règle concernant, comme on l'a appris dans les assises précédentes, et ça c'est une règle très importante, la règle concernant les textes liés aux attributs, c'est de les aborder, de les comprendre, de les prendre selon le sens apparent, selon le sens littéral, puisqu'on a appris dans la dernière assise que, comme nous l'enseigne Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a fait descendre ce livre d'une langue arabe explicite et claire. C'est pour cela, lorsqu'on avait fait allusion au vers dans le poème Al-Lamiya, lorsque l'auteur dit dans ses vers, où il relate le dogme du croyant, alors il dit wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwalu wa jami'u ayati sifat. Voilà, là l'auteur fait allusion justement au verset d'attribut wa jami'u ayati sifat umirruha haqqan kama naqala at-Tiraz الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. Dans ces quelques vers dont on avait conclu notre assise hier, on avait fait allusion, regardez, l'auteur dit dans une traduction du sens de ces mots, et il dit: et j'affirme concernant le Coran ce qui est venu avec. Donc là, après avoir mentionné la partie sur la croyance au mérite des compagnons, puisqu'il va d'abord mentionner la croyance concernant le mérite des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Hubbu sahabati kullihim li madhabun ». Donc il fait allusion ici à la croyance liée au mérite des compagnons du noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir mentionné la question des compagnons, ensuite il dit, pourquoi ? Parce que dans la croyance du croyant, le fait d'aimer tous les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans distinction. Et que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont un mérite immense. Ensuite, regardez, il dit, après avoir mentionné et fait allusion à la croyance liée aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regardez lorsqu'il dit « Et un désir, l'amour de tous les compagnons est pour moi une voie et un désir de rapprochement. Par lui, je recherche l'intercession et chacun d'eux possède un rang et un mérite éclatant, mais le véridique, c'est-à-dire il fait allusion à Abu Bakr, mais le véridique est d'entre eux le meilleur. » Vous avez vu là, à travers ces vers, il fait allusion à la croyance liée au mérite des compagnons et l'amour que les croyants vouent pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous posez la question, pourquoi l'auteur dans ce poème lié au dogme, il fait allusion ici à la croyance et à cet amour que les croyants portent pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet de croyance chez les musulmans, le fait d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après avoir fait allusion justement au dogme et à notre croyance, à notre amour lié aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, là il va faire allusion à sa croyance liée au livre. Et il dit, et j'affirme concernant le Coran, ce qui est venu avec ces versets, il est alors le noble, le descendu, et l'ensemble des versets sur les attributs. Regardez, vous avez vu, il fait allusion d'une manière très explicite aux versets qu'on nomme les versets d'attributs. Wa jami' au début, il dit wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wa la ata'awwalu. Donc ce qu'on a lu dans la traduction, c'est la traduction de ce passage. Ensuite, il dit wa jami'u ayat as-sifati umirruha haqqan kama naqala at-tirazu al-awwalu. Regardez, c'est la traduction de, ou plutôt, on lit la traduction de ce qu'on vient de dire. Et j'affirme concernant le Coran ce qui est venu avec ces versets, il est alors le noble, le descendu. Et l'ensemble des versets sur les attributs, je les affirme véritablement comme ils ont été rapportés de la première manière, c'est-à-dire par les ancêtres. Donc il dit, « Wa jami'u ayatu sifati umirruha » Ici, ils ont traduit par « je les affirme, je crois en eux, je les prends, je les aborde. » Comme cela nous a été rapporté par les ancêtres, rapporté de la première manière. « Et je renvoie leur responsabilité à ces rapporteurs, je les, c'est-à-dire les versets d'attribut, regardez ce qu'il dit. Je les protège de toute conjecture. De toute conjecture, c'est-à-dire de toute fausse interprétation. Quand il dit wa asunuha, ou plutôt wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu, je les protège de toute chose imaginaire, toute chose qu'on peut s'imaginer. Kul shay yutakhayyal. Vous avez vu, ça vient du terme al-khayyal. Al-khayyal, tout ce qui est imaginaire, l'imagination. Wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Et il dit, ces versets, il sous-entend toujours les versets d'attributs. Wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu. Tout ce qui peut être imaginé, tout ce qu'on peut s'imaginer, je les protège, ces versets-là. Vous avez vu, lorsque vous entendez des versets liés d'attributs, la personne peut s'imaginer des choses. Mais on a dit, en ce qui concerne Allah Azzawajal, puisqu'il y a dans ces versets d'attributs, pourquoi on doit les prendre comme ils sont venus, selon le sens apparent, parce que ça parle du Créateur. Donc on a une description du Créateur. Sauf que le créateur Allah subhanahu wa ta'ala n'est en aucun cas comparable à ces créatures. Donc on ne peut pas s'imaginer le comment de l'attribut mentionné. Lorsqu'il est dit qu'Allah azza wa jalla s'est élevé au-dessus de son trône, comment s'est-il élevé? Allahu a'lam. On ne peut pas le savoir. On ne sait pas. Sauf que le terme mentionné en arabe, ce qui est mentionné en arabe, c'est descendu d'une langue arabe claire, explicite, compris des arabes. C'est-à-dire le sens de l'istiwa en arabe, c'est le fait de s'élever, s'établir au-dessus du trône. Mais le comment de l'établissement, de l'élévation, Allahu a'lam, on ne sait pas, on ne peut pas se l'imaginer, puisque rien n'est semblable aux créatures. Rien n'est semblable au créateur, pardon. Donc on ne peut pas se l'imaginer. L'auteur, regardez ce qu'il dit. وَأَصُّنُهَا عَنْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّلُ. Et donc, il dit ces versets-là, je les protège de tout ce qu'on, de tout ce qu'on pourrait s'imaginer. Ensuite, regardez, il dit, et l'ensemble des versets sur les attributs divins, je les affirme véritablement comme ils sont rapportés de la première manière par les ancêtres, et je renvoie leur responsabilité à ces rapporteurs, et je les, c'est-à-dire les versets d'attributs, protège de toute conjecture. Pour ça, an kulli ma yatakhayyalu, que soit en les dit celui qui repousse le livre derrière lui, c'est-à-dire le livre Al-Qur'an, le Coran derrière lui. Et lorsqu'il argumente, il dit « Qala al-Akhtalu ». Qala al-Akhtalu. Et vous avez vu, al-Akhtalu, lorsque certains partisans de la spéculation théologique ont essayé de justifier leur spéculation et leur falsification du sens dans un verset lié aux attributs, d'un attribut d'Allah, ils ont déduit par al-Akhtal, qui était un ancien poète d'une autre confession. Et ils ont déduit dans la langue liée à un ancien poème dont l'auteur était Al-Akhtal. Et si l'auteur veut faire allusion au fait que ça ne fait aucune, Al-Akhtal n'est en aucun cas une référence dans le sens, dans la compréhension des sens, des versets, des attributs. Donc on ne peut pas faire référence ou déduire en disant قال الأخطل. واضح الكلام. En tout cas, ça c'était des quelques vers qu'on a pris de l'Amiya faisant, pourquoi je les ai cités? Parce qu'ils font allusion à ce qu'on appelle ayat al-sifat, les versets d'attributs. Donc nous on va continuer inchallah sur l'explication de l'œuvre et les paroles de l'auteur concernant cette règle-là. Donc dans cette deuxième règle, on est toujours dans l'explication de la deuxième règle. L'auteur nous enseigne donc que lorsqu'il y a des versets d'attributs, il avait parlé des versets d'une manière générale, dans les textes sacrés, du Coran, de la Sunna, et d'une manière plus précise, ensuite il a cité des versets liés aux attributs, on doit prendre le sens qui est apparent et comprendre le verset selon le texte d'attributs, selon le sens apparent, comme on a appris cela dans les assises précédentes. Ensuite, il dit, c'est pour cela qu'il dit que, et ça, ce qu'on vient d'évoquer, on a dit que l'auteur nous enseigne que c'est indiqué aussi bien dans les preuves scripturaires que dans les preuves rationnelles. Les preuves scripturaires, c'est-à-dire les preuves textuelles, nusus al-kitab wa sunna, cela est indiqué, ce qu'on vient d'apprendre dans cet enseignement, et aussi bien c'est indiqué par les preuves rationnelles. Donc là, c'est pour ça que l'auteur nous a d'abord mentionné des textes, des passages du Coran, indiquant que les versets concernant les attributs divins, les attributs d'Allah Azza wa Jalla, il faut les prendre, les aborder, les comprendre selon le sens apparent. C'est-à-dire, les versets, par exemple, où il y a la mention des mains du Créateur. L'attribut des mains, par exemple. L'attribut du visage. Ce sont des attributs. L'attribut de l'élévation, de l'établissement au-dessus du trône, par exemple. L'attribut des yeux, par exemple. Ces attributs-là, donc lorsqu'il y a mention de ces attributs dans les textes, ce sont bien et bien des textes d'attributs. C'est ça qu'on appelle ayat al-sifat. Par exemple, dans le Coran, ce sont des versets d'attributs. La règle, c'est de comprendre selon le sens apparent. Il est mentionné les mains, le visage, par exemple, al-istiwa, par exemple, tous ces attributs-là, qui sont des attributs thubutiya, on doit les comprendre selon le sens apparent. Parce que le Coran est descendu d'une langue arabe claire et explicite. Claire et explicite. Sauf que ce qu'on ne connaît pas, le sens, on le connaît, mais ce qui est inconnu pour nous, c'est le comment de l'attribut. Comment est l'attribut ? Allahu a'lam. Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un comment ? Oui, il y a un comment. Al-kayfiyya, il y a un comment. Mais on ne sait pas. Nous, ce qu'on connaît, c'est le sens. Et ce qu'on sait, c'est qu'on peut s'imaginer le comment dans l'attribut, puisque rien n'est comparable au créateur. Et donc, c'est pour ça que l'auteur nous dit que cette règle est indiquée dans les textes du fait que Allah Azzawajal, lorsqu'il dit qu'il a fait descendre le livre, et que Jibril, justement, est venu avec le livre. C'est-à-dire Jibril, l'ange Gabriel, comme on avait dit. L'ange Jibril, que la paix soit sur lui. Nazala bihi ruhu al-amin. On a dit que Allah dans le Coran a décrit l'ange Jibril comme étant l'esprit fidèle. L'esprit fidèle qui est descendu avec le Coran sur ton cœur, c'est-à-dire sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala. On a dit, dans la dernière assise, dans l'interprétation du verset, l'explication, le fait qu'il soit descendu sur le cœur du prophète Mohammed, le sens est plus fort que si le prophète l'aurait juste entendu. Puisque lorsque ça descend sur le cœur, ça sous-entend forcément qu'il y a compréhension, réception et ici, assimilation. C'est-à-dire qu'on assimile, qu'on a compris, qu'on a bien entendu. Et donc lorsqu'il est dit « ala qalbika » sur ton cœur, le sens est fort. Le sens est fort. Et là ensuite on a appris que dans le verset Allah Azzawajal ensuite dit « d'une langue arabe » et le terme qui décrit le Coran comme étant descendu d'une langue arabe, on a dit c'est le terme « mubin ». Le terme « mubin ». Et donc hier on avait discuté sur le terme « mubin » avec les deux sens supposés que rassemble le sens du terme mubin qui vient du verbe en arabe abana, du verbe abana. Ensuite, on a dit que l'auteur, parmi les preuves qu'il mentionne, il dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Certes, nous avons fait descendre un Coran arabe. Peut-être ferez-vous preuve de raison. Donc regardez, l'auteur nous mentionne un autre verset où Allah dit qu'il a fait descendre le livre. Il l'a fait descendre, traduction relative du sens du verset. En vérité, nous avons fait un Coran arabe pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous puissiez comprendre. L'auteur nous dit Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Le verset. Ce qui prouve l'auteur, lorsque je dis l'auteur là, c'est dans le texte. Regardez ce qu'il dit. On continue maintenant, on va essayer d'avancer. On va voir si on peut terminer la règle. Comme ça, avancer dans les règles, Inch'Allah. Donc on va avancer un peu, je vais vous demander votre attention. Alors, l'auteur dit après la mention de ce verset, ce qui prouve qu'il est obligatoire de comprendre le Coran selon ce qu'implique le sens apparent et la langue arabe, sauf si un argument religieux l'interdit. Regardez, remarquez, dans le verset, lorsqu'Allah, dans le premier verset qu'a cité l'auteur, il fait référence au verset où Allah Azzawajal nous dit que Jibril est venu avec le livre, l'esprit fidèle, sur le cœur du prophète, d'une langue arabe claire et explicite. Dans un autre verset, Allah nous dit, en vérité, nous avons fait un Coran arabe pour que vous puissiez comprendre. Donc, on comprend pour que vous puissiez raisonner, comprendre, c'est-à-dire qu'il est descendu d'une langue claire et explicite, que les gens peuvent comprendre. Et c'est pour ça que l'auteur dit, ce qui prouve qu'il est obligatoire de comprendre le Coran selon ce qu'implique le sens apparent. De comprendre le Coran selon ce qu'implique le sens apparent et la langue arabe. Et il dit, sauf si un argument, et ici lorsqu'il dit un argument, et là c'est une règle, et concentrez-vous bien, il dit, sauf si un argument, un délil, interdit cela. Il va l'expliquer, pour bien comprendre. Il dit, premièrement, on ne peut pas comprendre de ce verset lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, nous en avons fait un Coran arabe pour que vous puissiez comprendre. La doctrine del Jahmiya, ont déduit de ce verset et ont utilisé ce verset pour argumenter et revendiquer le fait que le Coran a été créé. Et comme on l'avait explicité dans les assises précédentes, l'importance n'est pas de déduire, mais l'important c'est que la déduction soit authentique. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout le monde peut rapporter des preuves. Tout le monde peut rapporter des preuves. Citer des versets, citer des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'important, c'est pas de citer des preuves, tout le monde peut le faire. Citer des versets, citer des hadiths. Mais l'important, ce qu'on avait appris, c'est que la déduction de ces textes soit authentique. Laysa shan kull shan an tastadil walakin shan kull shan an yakuna istidlaluka sahihan. Comme il est dit, l'affaire toute l'affaire ce n'est pas de déduire, mais l'affaire toute l'affaire c'est que ta déduction soit authentique. Donc le fait de citer des preuves, des versets et des hadiths, beaucoup peuvent le faire. Sauf que il faut que la compréhension et la déduction soient authentiques. En l'occurrence ici, la doctrine del Jahmiya ont utilisé ce verset en revendiquant que le Coran est créé. Or, on sait que le Coran n'est pas une création. Le Coran, c'est la parole du Créateur, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, leur déduction du verset, غير صحيح, n'est pas authentique, donc n'est pas valable. لأن المعنى صيرناه باللغة العربية أي جعلناه بهذا اللسان العربي وهو الكلام. C'est-à-dire lorsqu'Allah Azza wa Jal dit qu'en vérité nous avons fait un Coran arabe, c'est-à-dire de langue arabe. C'est-à-dire ici, lorsqu'il dit nous avons fait un Coran arabe, c'est-à-dire un Coran de langue arabe. C'est Al-Kalam, c'est la parole qui est en arabe. Donc, un Coran de langue arabe. Bihad al-lisan al-arabi wa huwa al-kalam. Wa al-kalam, kalam al-khaliq, ghayru makhluq. Or, cette parole, c'est la parole de qui ? Du Créateur. Et la parole du Créateur n'est point créée. Elle est incréée. La parole du Créateur n'est pas créée. C'est la parole d'Allah. Subhanahu. Donc ce verset n'est pas une preuve pour ce qu'ils ont dit. Le fait qu'ils aient dit que le Coran est makhluq, bel al Coran ghayru makhluq, al Coran kalam Allah. Donc le Coran c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Donc vous avez vu un exemple ici de déduction d'un verset où la déduction n'est pas authentique et n'est pas valable. فلا دليل فيه لما قالوا إذن فقوله لعلكم تعقلون هذه للتعليل أي لأجل أن تعقلوا معانيه لأنه نزل بلغتكم. Et regardez la fin plutôt du verset. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, en vérité, nous en avons fait un Coran arabe pour que vous puissiez comprendre. Le terme en arabe, regardez, il est dit لعلكم تعقلون. La'allakum ta'qilun. Qu'est-ce qu'on voit à la fin du verset lorsqu'il dit la'allakum ta'qilun? Hadihi litta'lil. Qu'est-ce que ta'lil en arabe? Ta'lil, c'est la cause. Pourquoi Allah Azzajal a révélé ce livre en langue arabe claire et explicite. Pourquoi ? La cause est citée. La'allakum taqilun. Que vous puissiez raisonner dans le sens, vous puissiez comprendre. Vous puissiez comprendre. Comment le comprendre ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Allah l'a fait descendre d'une langue arabe pour qu'on puisse le comprendre. Ce qui veut dire que, en le lisant, on peut le comprendre. Et c'est très pertinent, les preuves que mentionne l'auteur. C'est pour ça que ces versets-là, il faut les apprendre par cœur. Si vous faites face, par exemple, à une personne partisane de la doctrine de la négation des attributs, rappelez-lui ces versets. Rappelez-lui ces versets. La'allakum ta'qiloun. Allah fait descendre un livre, le Coran, c'est sa parole, en langue arabe. Pourquoi ? La'allakum ta'qiloun. Pour que vous puissiez comprendre. Donc ça veut dire, si on prend ces textes-là selon le sens apparent, on le comprend et on peut raisonner. Regardez, c'est ce que va dire l'auteur. Écoutez bien, il dit « لِأَنَّهُ لَزَنَا بِلُغَاتِكُمْ » Pourquoi ? Parce qu'il est descendu de votre langue. C'est-à-dire à l'époque, il descend de langue arabe. Le prophète s'adresse à son peuple. Ça s'adressait aux Arabes et ensuite à toute l'humanité. Donc le clan, le peuple du prophète à la Mecque, lorsqu'ils entendent les versets, ils comprennent l'essence, puisqu'il est descendu de leur langue. Donc ils comprenaient la langue, par exemple les Quraysh à l'époque du prophète, sallam, les gens de la Mecque, comprenaient le Coran, puisqu'il est descendu d'une langue arabe, comme on l'a dit clair et explicite. Donc si il est descendu de leur langue, فَلَزِمَا إِجَرَاؤُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِهِ اللِّسَانُ الْعَرَبِي. Donc qu'est-ce qui incombe ? De comprendre le verset selon les implications de la langue du Coran, c'est-à-dire l'arabe. Selon la langue arabe. لِهَذَا قَالَ Cela, وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ فَهْمِهِ عَلَى مَا يَقْتَضِهِ ظَهِرُهُ بِلِسَانِ الْعَرَبِي. Et donc ça implique de comprendre et de prendre le sens apparent impliqué par la langue arabe. Selon les implications de la langue arabe. Vous comprenez jusque-là ? Donc ça implique quoi ? On voit que ces textes indiquent qu'il faille prendre le sens apparent selon les implications de la langue arabe. Selon, c'est-à-dire ce que veut dire la langue arabe. Sauf, et là l'auteur nous dit, sauf, il y a une règle. Illa, istithna, c'est une particule d'exception. À exception. Illa an yamna'a minhu dalilun shar'i. Sauf s'il y a une preuve religieuse qui nous l'interdit, à ce moment-là, de ne pas prendre le sens apparent, sauf si on a une preuve. Une preuve religieuse, par exemple, qui nous empêche, plutôt, qui nous empêcherait de prendre le sens apparent. Et que le voulu n'est pas le sens apparent. Si on a une preuve, dalilun shar'i, qui empêche de prendre le sens apparent, alors, là, si le voulu n'est pas le sens apparent, il dit, il y a exception faite, s'il y a preuve shar'i. فَمَدَمَا أَنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ الْعَرَبِي وَجَعَلَهُ اللَّهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنَعْقِلَ. Donc, tant que le Coran est descendu d'une langue claire et explicite, d'une langue arabe claire et explicite, et cela pour qu'on puisse le comprendre, إِذَن. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ? Il y a l'obligation de comprendre l'essence de ces versets selon les implications de la langue arabe. Sauf, comme on l'a dit précédemment, s'il y a une preuve, là, religieuse, qui fait qu'on doit comprendre selon un autre sens que le sens apparent. Mithal ou dhalik, il dit exemple. As-salatu, la prière. Fas-salatu fil-lugha, ad-du'a. La prière, son sens apparent, le sens en langue arabe, c'est le sens de as-salat, c'est la prière. C'est l'invocation. Donc, le sens de la langue arabe, de la prière, lorsque vous entendez le mot as-salat, as-salat, ce sens arabe apparent, c'est ad-du'a, c'est l'invocation. Wa fi shar'i, tandis que le sens religieux, dans la religion, le sens de as-salat, du terme as-salat, ibadatun dhatu aqwalin wa af'alin ma'louma. C'est une adoration comprenant des paroles et des actes connu. Par exemple, ça c'est le sens religieux de as-salah. As-salah. Donc par exemple, ici on a preuve que lorsqu'on a le terme salah, le sens apparent de la prière c'est dua. C'est l'invocation. Mais ici, on ne va pas comprendre que le sens de la prière, c'est l'invocation. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ Par exemple, dans le verset. Et cherchez de l'aide à travers la patience et as-salah. As-salah, vous avez compris, c'est la prière selon son sens religieux. C'est-à-dire, cette adoration qui comprend des paroles et des actes connus. Qui commence par le takbir et qui termine par les salutations. Les salutations. Ça, c'est le sens religieux. Par exemple, il dit az-zakat. Az-zakat, la zakat, dans la langue arabe, c'est an-nama'u wa ziyada. Le sens de zakat dans la langue arabe, c'est le rajout. Par exemple, le surplus. Le rajout. Mais religieusement, quel est le sens de la zakat? Fi shar'i az-zakatu bimarna haqqun khassun fi aqwalin makhsusa. Haqqun khassun, pardon, fi amwalin makhsusa. Par contre, dans la religion, quel est le sens de la zakat, de l'aumône, lorsqu'on dit l'aumône? C'est un droit spécifique sur des biens spécifiques. Traduction relative. La zakat, religieusement, c'est un droit spécifique sur des biens spécifiques. Ou un droit particulier sur des biens particuliers. C'est le sens de la zakat. Sinon, si vous prenez dans son sens apparent, az-zakat, zakat c'est soi, c'est an-nama wa ziyada. C'est le surplus, le rajout. Sauf que lorsqu'il est mentionné dans les textes, ici on sait qu'il faut le comprendre selon le sens religieux. Parce qu'on a un délil, on a des preuves. On a des preuves qui nous empêchent ici de comprendre le thème que selon ce sens linguistique. Que selon le sens linguistique. Comme par exemple le hajj, le pèlerinage, ce qu'on nomme al-hajj, à la base, dans la langue arabe, si on prend, on se restreint au sens de la langue arabe du hajj, al-hajju bimarn al-qazd. Le hajj, c'est quoi? C'est l'intention, la volonté, le désir, la volonté, vouloir une chose. Al-qazd. C'est ça, en réalité, dans la langue arabe, le sens du hajj. Donc regardez, on a la prière, son sens en réalité linguistique, c'est ad-du'a. La zakat, c'est an-nama'u wa ziyada. C'est le surplus et le rajout, la zakat. Le hajj, le sens du hajj, c'est en réalité al-qazd. Ce qu'on désire, l'intention. En réalité, c'est le sens dans le sens de l'intention. Mais religieusement, en réalité, lorsque dans les textes, on a le terme hajj, le hajj, on sait que ça sous-entend le pèlerinage. Ça sous-entend le pèlerinage, c'est-à-dire qazdu mekkata li ada il manasik. C'est l'intention d'aller à la Mecque pour pratiquer les rites, pour l'accomplissement plutôt des rites. On sait que le hajj vient dans ce sens. Vous avez vu, on a le sens louraten, le sens dans la linguistique, dans la langue arabe, et puis on a le sens dans la religion. وَهَلُمَّ جَرًّا فَمَنَ قَلَهُ الشَّرْعُ عَنْ مَعْنَ الْأَصْلِ فِي اللُّغَةِ فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي مَنَ قَلَهُ الشَّرْعُ إِلَيْهِ ولهذا استثنينا أو استثنينا فقلنا إلا أن يمنع منه دليل شرعي دليل شرعي. Donc vous avez compris, lorsque l'auteur dans cette règle là il dit que c'est le sens apparent puisque qui est pris en considération et qui prévaut tant qu'on n'a pas de preuve religieuse qu'il faille prendre un autre sens et comprendre d'un autre sens que le sens évoqué. Que le sens évoqué. Taïb. Ensuite, قال المصنف رحمه الله تعالى. Donc regardez, l'auteur continue à nous mentionner des des versets, puisqu'il dit, il va mentionner des passages du Coran concernant, prouvant cette règle-là, et aussi il va mentionner des preuves rationnelles. Donc deux catégories de preuves qu'on a dit, scripturaires, c'est-à-dire textuelles, et des preuves rationnelles. Donc il cite ensuite, après avoir cité le verset, Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun. Il fait allusion à un autre verset lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa qawluhu ta'ala من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. Ensuite, l'auteur dit, après avoir mentionné ces deux versets, il va mentionner l'argument rationnel. D'abord, avant de passer à l'argument rationnel, il cite ces deux passages, ces deux derniers passages du Coran qu'il va mentionner. Où Allah, dans un verset, dit « Comment pouvez-vous désirer ce que, ou comment pouvez-vous désirer, dans une traduction relative du sens du verset, que ces gens vous croient alors qu'une partie d'entre eux a entendu la parole du Créateur, a entendu la parole d'Allah, puis l'a altérée sciemment après l'avoir comprise. » Donc, on voit bien que dans ce verset, Allah Azza wa Jal reproche à ceux qui ont altéré sciemment le sens des Écritures. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, et c'est l'autre verset que mentionne l'auteur, وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَلْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Et Allah fait allusion à ceux, alladina hadou, à ceux qui se sont dit, comme il est dit, Yahoud hadou, yuharrifuna al-kalim, lorsqu'ils détournent les mots de leur contexte et disent, nous avons entendu et nous avons désobéi. Ça, c'est en ce qui concerne les textes, les arguments scripturaires, dans le fait que l'interdiction ici de falsifier sciemment la parole du Créateur et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez, les anciennes écritures, les croyants croient en tous les livres, tout ce qui est descendu de la part du Créateur. On croit en la Torah, en l'Évangile, c'est-à-dire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. On croit aux livres qui sont descendus avant, les psaumes de Daoud, les feuillets Sohouf de Ibrahim, et tous les écrits, tout ce qui est descendu. Comme le croyant aussi, le musulman et la musulmane, ne fait pas de distinction entre les prophètes et les messagers. Nous croyons en tous les prophètes et les messagers. Sauf que les anciennes écritures n'ont pas été à l'abri de la falsification. Et pour cela, il y a eu plusieurs causes. Si vous regardez dans l'histoire, il y a eu plusieurs causes et différentes causes à la falsification des textes. Parmi les causes, par exemple, sont les anciens écrits, surtout sur l'Ancien Testament. Lorsque, par exemple, il y a eu, historiquement, c'est connu, à peu près 600 ans avant l'ère chrétienne. 600 ans avant l'ère chrétienne, il y avait un roi tyran qui était célèbre à l'époque. Beaucoup d'historiens parlent de lui. Vous pouvez retrouver son histoire dans des encyclopédies historiques ou dans des cours historiques ou des livres liés à l'histoire, un tyran qui était un roi de Babylone, qui s'appelait Nabucodonosor. Et lui, le Nabucodonosor, lui était un tyran qui était roi. Dans la tradition arabe, il l'appelait Burtanassar. Il est connu aussi dans la tradition arabe. Lui, à son époque, il y a eu ce qu'on appelle la prise de Babylone et les captives de Babylone, c'est-à-dire les enfants d'Israël qui vivaient à Jérusalem, Le Nebuchadnezzar, ce tyran, est rentré les amis à Jérusalem, les a expulsés, les a mis en captivité. Les a mis en captivité. Et les notables parmi eux ont été ramenés jusqu'à Babylone. Jusqu'à Babylone, et ils étaient en captivité. Et il est mentionné dans l'histoire, il est mentionné qu'il a brûlé leurs écrits. Qu'il a brûlé leurs livres et leurs écrits. Et donc, les érudits parmi eux, il est rapporté qu'ils ont essayé de se rappeler leurs écrits et leur écriture. Donc, ils ont essayé de réécrire ce qu'ils avaient appris de leur écriture, mais il y a eu mélange entre vrai et paroles venant d'eux, et paroles venant d'eux. Et ça, c'est célèbre dans l'histoire. Lors de la prise, c'est un événement qui s'appelle la prise de Babylone. Et donc, les écrits, à ce moment-là, ont été falsifiés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la prise, donc les écrits ont été brûlés par ce roi tyran. Par ce roi tyran. Plus tard, il y aura autre fait et événement avec les Romains. Avec les Romains, dans les faits historiques. Donc ça fait partie des causes. Mais sinon, il y a d'autres événements et d'autres causes qui font que certains écrits ont été falsifiés. Parfois intentionnellement, volontairement, souvent volontairement. C'est pour cela que lorsque vous regardez l'histoire, la préservation des écritures, des anciens écrits, des anciennes écritures, a été confiée aux gens. C'était aux gens et aux érudits des communautés précédentes, des nations précédentes, de préserver, de protéger leur écriture. C'est un fait célèbre. C'est même mentionné dans un verset. Dans un verset, dans la sourate, la table bien servie. Regardez, il y a un verset remarqué dans sourate Al-Ma'ida, où Allah Azzawajal dit: «Fabima astahfidhu min kitabillah». Et Allah nous enseigne que les anciennes écritures, la préservation de celles-ci avait été confiée aux gens et surtout aux érudits parmi eux de préserver les textes et les écritures. À la différence que le Coran, Allah Azzawajal, nous enseigne que là, la préservation du livre, c'est le Créateur lui-même qui la garantit. C'est le Créateur qui garantit la protection et la préservation du livre. C'est ça qui fait la différence. Donc, les anciens écrits et écritures, les anciens livres, la protection de celles-ci et la préservation de celles-ci avaient été confiées aux hommes. Tandis que le Coran, Allah Azzawajal, nous enseigne que lui, il garantit la protection du livre et la protection du Coran. C'est pour ça que vous pouvez constater, depuis près de 15 siècles, depuis l'époque du prophète, des compagnons, des successeurs, jusqu'à aujourd'hui, le Coran, c'est un fait réel. Le Coran n'a pas connu d'altération, changement ou bien de falsification. Personne ne peut prétendre cela. Pourquoi? Parce que depuis les premières générations, il est mémorisé par cœur. Jusqu'à ce que chaque lettre est comptée, chaque syllabe, les versets, les mots, tout est compté. Donc il suffit juste d'enlever une lettre ou de rajouter une lettre et les gens le remarquent. Pourquoi? Puisque le Coran, depuis les premières générations, est mémorisé par cœur. Donc chaque mot, chaque lettre est mémorisé, de sorte que personne, les récitateurs par exemple, spécialistes dans la récitation et la psalmodie du livre, ne peuvent pas, comme bon leur semble, diminuer une lettre ou autre. C'est pour ça que pendant le mois du Ramadan, la personne qui voyage, il peut assister à la prière de Taraweh, la prière où il y a la récitation après la Isha du Coran, même s'il assiste à la prière en Asie, ou bien en continent américain, ou bien en Afrique, ou bien en Occident, s'il entend la récitation du Coran, il n'y aura pas une nouvelle sourate qui sera récitée par l'imam. L'imam ne pourra pas rajouter une sourate, ne pourra pas enlever une sourate, il ne pourra pas enlever de verset. S'il se trompe, ne serait-ce sur une voyelle, on ne parle pas d'un mot, on ne parle pas d'une lettre, on parle ne serait-ce d'une voyelle. Sur le son, au lieu de dire « est », il va dire « ou ». Sur le son, il sera corrigé. Puisque les gens derrière, il y en a qui ont mémorisé le livre et le corrigeront. Donc c'est pour ça que le Coran, lui, a été protégé de la part du Créateur. Donc voilà en ce qui concerne les preuves textuelles. On termine juste cette règle. L'auteur termine avec une preuve rationnelle. Une preuve rationnelle. Quelle preuve rationnelle ? On est toujours sur le fait que l'auteur, dans cette règle, nous dit que les versets d'attributs, on les appelle comme ça maintenant, les versets d'attributs, c'est-à-dire les versets où il y a la mention d'un attribut divin, d'un attribut d'Allah Azzawajal, il faut le comprendre selon son sens apparent. Selon son sens apparent. Et donc, oui, effectivement, lorsque il y a un verset d'attribut, on n'a pas recours à l'interprétation. On n'a pas recours à l'interprétation. S'il est mentionné un attribut du Créateur, on le comprend comme il est venu. On ne peut pas l'interpréter. Quelles sont les preuves de cela ? Il a dit les preuves textuelles. Il a cité certains passages du Coran. Et là, il termine en disant « Même la raison humaine indique cela. » Même la raison. Qu'est-ce qu'il va dire comme argument ? Donc, il va donner un argument lié à la raison humaine, puisque le Créateur a doté l'être humain d'une raison. Et il dit « وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهَذِهِ النُّصُوصِ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ خَاطَبَنَا بِلِسَانِ الْعَرَبِيِّ الْمُبِينِ فَوَجَبَ قَبُولَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَإِلَّا لَاخْتَلَفَتِ الْأَرَاهُ وَتَفَرَّقَتِ الْأُمَّةِ وَانْتَهَا كَلَامُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي هَذِهِ الْقَعِدَةِ. Et là, on a terminé cette règle-là. Il termine, il conclut d'une manière très pertinente et remarquable en disant « L'argument rationnel qui prouve que les textes d'attributs, on les comprend selon le sens apparent, il dit « Les arguments rationnels, l'auteur de ces textes, c'est-à-dire l'auteur du texte, l'auteur du Coran, du livre, le Créateur, est celui qui connaît le mieux le sens. » Il s'est adressé à nous dans une langue arabe claire. Il est dès lors obligatoire de prendre les textes dans leur sens apparent. Sinon, les avis divergeront et la communauté se divisera. Regardez, l'argument rationnel, il est très pertinent. De sorte que, Cheikh, ici, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, celui qui nous informe à son sujet, c'est Allah, c'est le Créateur lui-même. Et il nous informe d'une langue, par une langue arabe, qu'il décrit comme étant explicite. Allah nous dit que le Coran est descendu d'une langue arabe claire et explicite. Allah nous informe à son sujet. C'est lui qui est le connaisseur. C'est lui qui connaît mieux le sens. Le sens de ces versets. Dès lors, l'obligation donc est de prendre le sens apparent de la parole du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et lui-même est plus connaisseur du sens. Et Allah Azzawajal nous révèle ces versets d'une langue arabe claire et explicite. Et dès lors, il est une obligation de prendre les textes dans leur sens apparent. Pourquoi ? Parce qu'il dit, si on ne prend pas selon le sens apparent, alors les avis divergeront. Chacun y va interpréter de sa manière. Et la communauté va se diviser. C'est pour ça, là, c'est très pertinent du fait qu'on ne peut pas sortir du fi ayat sifat, comme on l'a dit précédemment, on ne peut pas sortir de cela. Voilà, on a terminé maintenant l'étude de cette règle. Taïb. Pour terminer, l'auteur évoque une bonne question. L'auteur évoque une bonne question. Il dit, pourquoi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, قد بينا سابقا أنه لو قال لك قائل أين الإجماع من الصحابة على أن المراد بنصوص الصفات ظاهرها؟ Une personne pourrait interroger en disant mais où est le consensus et l'unanimité des compagnons concernant le fait que les versets d'attribut il faut les prendre et les comprendre selon le sens apparent. Où est أين الإجماع من الصحابة؟ Où est le consensus et l'unanimité rapportée des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aïnahu. Où est le consensus et l'unanimité des compagnons? Il dit la réponse. La réponse, inna sukutahum an tafsiriha bima yukhalifu zahiraha yadullu ala ijma'ihim. Il dit la réponse est dans leur silence. Le silence des compagnons concernant une interprétation de ces versets qui contredirait le sens apparent de Ayat al-Sifat. Il dit le fait qu'on n'a pas d'interprétation de compagnons de ces versets d'attributs qui contrediraient le sens apparent des versets d'attributs. Qu'est-ce que cela sous-entend ? Il dit on comprend, c'est qu'il y a un consensus. C'est que chez les compagnons, il y a un consensus. Pourquoi ? Parce que comme on l'a relaté certains savants qui ont fait des recherches, ils disent il n'est pas rapporté de sources sûres et authentiques que des compagnons auraient interprété des versets d'attributs. Et donc, s'il nous est pas rapporté que des compagnons auraient interprété des versets d'attributs, et donc compris des versets d'attributs, contrairement au sens apparent, si cela ne nous est pas rapporté, c'est qu'il y a justement, ça sous-entend, ça implique qu'il y a un consensus. Ijma bayn as-sahaba. Regardez, il dit إذ لو كان لهم رأي يخالف الظاهر لبينوه. Pourquoi ? Parce que s'il y avait des compagnons qui avaient une opinion qui contredisait le sens apparent du texte, il leur aurait clarifié, il leur aurait dit. فإجماعهم على السكوت عن تفسيرها بخلاف الظاهر يدل على إجماعهم بالقول بما يتدل عليه. Et donc, leur accord, le fait qu'il n'y a aucun compagnon qui a contredit le sens apparent en interprétant le sens apparent d'un verset d'attribut, cela prouve qu'il y a un consensus. On peut dire, c'est pour ça qu'on peut le dire, il y a un consensus chez les compagnons. Sinon, on aurait trouvé des rapports contredisant cela. Mais وهذه طريقة أيضا قل من يتفطن لها صحيح أن المبطل قد يبهتك ويقول هات الدليل أين قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم فالجواب أنه لم يرد عنهم ما يخالف هذا الظاهر فكان سكوتهم عن مخالفة دليلا على أنهم مجمعون على ذلك هذه القاعدة يمكن أن نجعلها أصلا في الرد على كل معطل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرها. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il va dire une très belle parole. Il dit pourquoi? Parce que c'est vrai, une personne pourrait te dire où sont les paroles d'Abu Bakr et les paroles de Omar, et de Uthman, et de Ali, et de Abdallah ibn Mas'ud, et de Ibn Abbas sur ce que vous dites, sur le sens apparent, concernant les versets d'attribut. La réponse, c'est que justement, à l'inverse, il ne nous est rien rapporté d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, d'Ibn Abbas, d'Ibn Mas'ud, et des compagnons concernant le contraire de ce qui vient d'être dit. Qu'ils auraient interprété des versets d'attributs et pris un autre sens que le sens apparent. Rien nous est rapporté des compagnons du prophète. Fakana sukutuhum. Donc leur silence sur leur sujet prouve l'unanimité. prouve l'unanimité chez les compagnons. Et donc, il dit, cette règle-là, l'auteur nous dit, tu peux la mettre comme une base essentielle et fondamentale dans la réponse et la réfutation des négateurs des attributs d'Allah Azza wa Jal, comme la doctrine de l'Ash'ariya, et il dit la doctrine de l'Mu'tazila, ou l'Jahmiya, et autres. Et autres. Il dit, dans une autre question pour terminer, mais nous craignons, si on applique cette règle, quelle est cette règle-là ? De prendre les textes d'attributs selon le sens apparent, nous craignons que ça soit un argument pour les anthropomorphistes, pour ceux qui font ressembler le créateur à la créature. Et donc, que si on prend les textes d'attributs selon le sens apparent, c'est un argument pour Al-Mumathila. Ou Al-Mujassima. Donc certains pourraient dire, évitons, parce que sinon ça va être un argument pour Al-Mujassima. L'auteur ici dit, c'est pas possible, selon deux aspects. Le premier aspect, c'est que أنه لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله به عن نفسه هو التمثيل. Premièrement, pourquoi ? Parce qu'il dit, ce n'est pas possible que ce dont Allah Azza wa Jal nous a informé à son sujet, l'apparence et les informations qu'il nous a enseignées à son sujet, il n'est pas possible que ce soit de l'anthropomorphisme, du tamthil, puisque c'est l'apparence du Coran. Et l'apparence du Coran, il n'est pas possible que ce soit de l'anthropomorphisme. Parce que ces attributs, ils sont liés à son être. فَلَبُدَّ أَن تَكُونَ الصِّفَةُ مُنَاسِبَةً لِلْمَوْصُوفِ. Et donc il dit, donc ces attributs, forcément si Allah les a liés à lui, il se les est attribués, ça veut dire, ces attributs-là, ils conviennent à son être, ils conviennent à lui. فَحُلَلَا. Si Allah se les attribués, c'est, ça veut dire que ces attributs, ils lui conviennent. سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى. Ils conviennent à celui qui est décrit. À celui qui est décrit. إذن, ليس ظاهر النصوص التمثيل قطعا. Donc, on ne peut pas dire que l'apparence des textes, c'est l'anthropomorphisme. Il y a de la ressemblance, la comparaison entre le créateur et la créature. Puisque c'est Allah Azza wa Jal qui s'est attribué ces attributs-là. Deuxièmement, pour terminer à la réponse, il dit, si on va dans ce sens, si on va dans ce sens qui est faux, leur sens de dire, si on prend le sens apparent, ça conforte la position d'Al-Mumathila, de ceux qui font de la comparaison. Si il dit on va dans ce sens qui n'est pas vrai, mais si on va dans ce sens-là, alors il dit, ce sens-là est réfuté dans le Coran. Cela est réfuté dans le Coran lorsqu'Allah dit dans un texte clair « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » « Rien n'est comparable à lui, il est certes l'audient, le clairvoyant. » Taïb. On va s'arrêter puisque Cheikh continue. Là, c'est une série de, mashallah, de questions. Vous avez vu déjà, moi j'ai passé des questions. Hein. Parce qu'avant cela, il y avait des questions. Il y avait des... Enfin, des questions, c'est des masaïl. Il y avait des masaïl. J'essaie de résumer, de prendre des questions simples et très importantes pour bien comprendre la règle. En titre de conclusion à la règle, pour que dans la prochaine assise, on commence la troisième règle. Les hauts textes. Donc là, alhamdoulilah, on a terminé, j'ai avancé un peu. Bon, j'ai résumé le commentaire. Vraiment, vraiment résumé. Pour qu'on puisse terminer la deuxième règle. Sinon, l'auteur ensuite pose des questions très pertinentes. Pour ceux qui veulent se référer aux commentaires, il pose d'autres questions très pertinentes. Si on a le temps, dans la prochaine assise, on fera allusion à certaines de ces questions et éléments de réponse de l'auteur. Et on commencera, Inch'Allah, la troisième règle. On commencera la troisième règle. Wallahu a'lam.